Le rouge et le noir. Chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation, Hélène Bleskin. Une réalisation de Michel Sidorov. Premier épisode. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Ses maisons, blanches, avec leurs toits pointus de tuiles rouges, s'étendent sur la pente d'une colline dont des touffes de vigoureux châtaigniers marquent les moindres sinuosités. Un torrent traverse Verrières avant de se jeter dans le Doubs et donne le mouvement à un grand nombre de scies à bois. C'est une industrie fort simple et qui procure un certain bien-être à la majeure partie des habitants, plus paysans que bourgeois. À peine entre-t-on dans la ville que l'on est étourdi par le fracas d'une machine bruyante et terrible en apparence. 20 marteaux pesants sont élevés par une roue que l'eau du torrent fait mouvoir. Chacun de ces marteaux fabrique chaque jour je ne sais combien de milliers de clous. Ce sont de jeunes filles fraîches et jolies qui présentent au cou de ces marteaux énormes les petits morceaux de fer qui sont rapidement transformés en clous. Si, en entrant à Verrières, le voyageur demande à qui appartient cette belle fabrique, on lui répond avec un accent traînard « Eh, elle est à monsieur le maire !» Pour peu que le voyageur s'arrête quelques instants dans cette grande rue de Verrières, il y a cent à parier contre un qu'il verra paraître un grand homme à l'air affairé et important. À son aspect, tous les chapeaux se lèvent rapidement. Ses cheveux sont grisonnants et il est vêtu de gris. Mais bientôt, le voyageur parisien est choqué d'un certain air de contentement de soi et de suffisance, mêlé à je ne sais quoi de borné et de peu inventif. Tel est le maire de Verrières, Monsieur de Rênal. Après avoir traversé la rue d'un pas grave, il entre à la mairie et disparaît aux yeux du voyageur. Mais, 100 pas plus haut, si celui-ci continue sa promenade, il aperçoit une maison d'assez belle apparence et des jardins magnifiques. On lui apprend que cette maison appartient à Monsieur de Rênal. Depuis 1815, il rougit d'être industriel. 1815 l'a fait maire de Verrières. Les murs en terrasse sont aussi la récompense de la science de Monsieur de Rênal dans le commerce du fer. Ses jardins, remplis de murs, sont encore admirés parce qu'il a acheté, au poids de l'or, certains petits morceaux de terrain qu'ils occupent. Par exemple, cette scie à bois, où vous avez remarqué le nom de Sorel, écrit sur une planche qui domine le toit. Malgré sa fierté, monsieur le maire a dû faire bien des démarches auprès du vieux Sorel, paysan dur et entêté. Il a dû lui compter de beaux louis d'or pour obtenir qu'il transportât son usine ailleurs. Quant au ruisseau public qui faisait aller la scie, M. de Rênal, au moyen du crédit dont il jouit à Paris, a obtenu qu'il fût détourné. Heureusement pour la réputation de M. de Rênal comme administrateur, un immense mur de soutènement était nécessaire à la promenade publique qui longe la colline à une centaine de pieds au-dessus du cours du Doubs. Le soleil est fort chaud dans ces montagnes. Lorsqu'il brille d'aplomb, la rêverie du voyageur est abritée sur cette terrasse par de magnifiques platanes. Leur croissance rapide, ils la doivent à la terre rapportée, que monsieur le maire a fait placer derrière son immense mur de soutènement, car, malgré l'opposition du conseil municipal, il a élargi la promenade. C'est pourquoi, dans son opinion et dans celle de monsieur Valnaud, l'heureux directeur du dépôt de mendicité de Verrières, cette terrasse peut soutenir la comparaison avec celle de Saint-Germain-en-Laye. Je ne trouve quant à moi qu'une chose à reprendre au cours de la fidélité. On lit ce nom officiel en 15 ou 20 endroits sur des plaques de marbre qui ont valu une croix de plus à M. de Rênal. Ce que je reprocherais au cours de la fidélité, c'est la manière barbare dont l'autorité a fait tailler et tondre jusqu'au vif ces vigoureux platanes. Les libéraux de l'endroit prétendent, mais ils exagèrent, que la main du jardinier officiel est devenue bien plus sévère depuis que M. le vicaire Masselon a pris l'habitude de s'emparer des produits de la tonte.

Je veux absolument prendre Sorel, le fils du sieur de Planche. Il surveillera les enfants qui commencent à devenir trop diables pour nous. C'est un jeune prêtre, ou autant vaut, bon latiniste, et qui fera faire des progrès aux enfants. Car il a un caractère ferme, dit le curé. Je lui donnerai 300 francs et la nourriture. J'avais quelques doutes sur sa moralité, car il était le benjamin de ce vieux chirurgien, membre de la Légion d'honneur, qui, sous prétexte qu'il était leur cousin, était venu se mettre en pension chez les Sorel. Cet homme pouvait fort bien être au fond qu'un agent secret des libéraux. Il avait fait toutes les campagnes de Buonaparte en Italie. Ce libéral montrait le latin au fils Sorel. Aussi n'aurais-je jamais songé à mettre le fils du charpentier auprès de nos enfants. Mais le curé m'a dit que ce Sorel étudie la théologie depuis 3 ans, avec le projet d'entrer au séminaire. Il n'est donc pas libéral, et il est latiniste. Cet arrangement convient de plus d'une façon. Le Valneau est tout fier des 2 beaux Normands qu'il vient d'acheter pour sa calèche. Mais il n'a pas de précepteur pour ses enfants. Il pourrait bien nous enlever celui-ci. Oh, tu approuves donc mon projet? Allons, voilà qui est décidé. Bon Dieu, mon cher ami, comme tu prends vite un parti. C'est que j'ai du caractère, moi, et le curé l'a bien vu. Ne dissimulons rien. Nous sommes environnés de libéraux ici. Tous ces marchands de toile me portent envie, j'en ai la certitude. 2 ou 3 deviennent des Richards. Eh bien, j'aime assez qu'ils voient passer les enfants de Monsieur de Rênal allant à la promenade sous la conduite de leur précepteur. C'est 100 écus qu'il m'en pourra coûter, mais ceci doit être classé comme une dépense nécessaire pour soutenir notre rang. Cette résolution subite laissa Madame de Rênal toute pensive. C'était une femme grande, bien faite, qui avait été la beauté du pays, comme on dit dans ces montagnes. Elle avait un certain air de simplicité et de la jeunesse dans la démarche. Aux yeux d'un Parisien, cette grâce naïve, pleine d'innocence et de vivacité, serait même allée jusqu'à rappeler des idées de douce volupté. Si elle eût appris ce genre de succès, Madame de Rênal en eût été bien honteuse. Ni la coquetterie ni l'affectation n'avaient jamais approché de ce cœur. Monsieur Valneau, le riche directeur du dépôt, passait pour lui avoir fait la cour, mais sans succès, ce qui avait jeté un éclat singulier sur sa vertu. C'était une âme naïve, qui jamais ne s'était élevée même jusqu'à juger son mari, et à s'avouer qu'il l'ennuyait. Le lendemain, à 6 heures du matin, le maire de Verrières descendit à la scie du père Sorel. La réponse de Sorel ne fut d'abord que la longue récitation de toutes les formules de respect qu'il savait par cœur. L'esprit actif du vieux paysan cherchait à découvrir quelle raison pouvait porter un homme aussi considérable à prendre chez lui son vaurien de fils. Il se dirigea vers le hangar. Il aperçut Julien à cheval sur l'une des pièces de la toiture. Il lisait. Rien n'était plus antipathique au vieux Sorel. Cette manie de lecture lui était odieuse. Il ne savait pas lire lui-même. Mon livre! Paresseux! Tu liras donc toujours tes maudits livres pendant que tu es garde à la scie? Il est le soir, quand tu vas perdre ton temps chez le curé, à la bonne heure. Descends, animal, que je te parle! À peine Julien fut-il à terre que le vieux Sorel, le chassant rudement devant lui, le poussa vers la maison. En passant, Julien regarda tristement le ruisseau où était tombé son livre. C'était celui de tous qu'il affectionnait le plus, le mémorial de Sainte-Hélène. Il avait les joues pourpres et les yeux baissés. C'était un petit jeune homme de 18 à 19 ans, faible en apparence, avec des traits irréguliers mais délicats, et un nez aquilin. De grands yeux noirs qui, dans les moments tranquilles, annonçaient de la réflexion et du feu, étaient animés en cet instant de l'expression de la haine la plus féroce. « Réponds-moi sans mentir, si tu le peux, chien de lisard. D'où connais-tu Madame de Rênal? Quand lui as-tu parlé ?»« Je ne lui ai jamais parlé. Je n'ai jamais vu cette dame qu'à l'église. »« Tu l'auras regardé, vilain effronté. »« Jamais ? » Vous savez qu'à l'église, je ne vois que Dieu. Ben, va faire ton paquet, et je te mènerai chez M. de Rênal, où tu seras précepteur des enfants. Qu'aurai-je pour cela? La nourriture, l'habillement et 300 francs de gage. Je ne veux pas être domestique. Animal, qui te parle d'être domestique? Est-ce que je voudrais que mon fils fût domestique? Mais avec qui mangerais-je? Cette demande déconcerta le vieux Sorel. Il s'emporta contre Julien, qui l'accabla d'injures en l'accusant de gourmandise, et le quitta pour aller consulter ses autres fils. Julien les vit bientôt après, chacun appuyé sur sa hache et tenant conseil. Il faut renoncer à tout cela plutôt que de se laisser réduire à manger avec les domestiques. Mon père voudra m'y forcer, plutôt mourir. J'ai 15 francs 8 sous d'économie, je me sauve cette nuit. En 2 jours, par des chemins de traverse où je ne crains nul gendarme, je suis à Besançon. Là, je m'engage comme soldat et s'il le faut, je passe en Suisse. Mais alors, plus d'avancement, plus d'ambition pour moi, plus de ce bel état de prêtre qui mène à tout. Cette horreur pour manger avec des domestiques n'était pas naturelle à Julien. Il eût fait, pour arriver à la fortune, des choses bien autrement pénibles. Il puisait cette répugnance dans les Confessions de Rousseau. C'était le seul livre à l'aide duquel son imagination se figurait le monde. Le recueil des bulletins de la Grande Armée et le Mémorial de Sainte-Hélène complétaient son Coran. Il se serait fait tuer pour ces 3 ouvrages. Jamais il ne crut en aucun autre. Pour gagner le vieux curé Chélan, duquel il voyait bien que dépendait son sort à venir, il avait appris par cœur tout le Nouveau Testament en latin. Il savait aussi le livre du pape de Monsieur de Maistre et croyait à l'un aussi peu qu'à l'autre. Le lendemain de bonne heure, Monsieur de Rênal fit appeler le vieux Sorel. À force de parcourir toutes sortes d'objections, Sorel comprit que son fils mangerait avec le maître et la maîtresse de la maison et, les jours où il y aurait du monde, seul dans une chambre à part avec les enfants. Je vais vous envoyer mon fils. Pour Julien, faire fortune, c'était d'abord sortir de Verrières. Il abhorrait sa patrie. Tout ce qu'il y voyait glaçait son imagination. Dès sa première enfance, il avait eu des moments d'exaltation. Alors il songeait avec délice qu'un jour il serait présenté aux jolies femmes de Paris. Il saurait attirer leur attention par quelque action d'éclat. Pourquoi ne serait-il pas aimé de l'une d'elles, comme Bonaparte, pauvre encore, avait été aimé de la brillante Madame de Beauharnais? Depuis bien des années, Julien ne passait peut-être pas une heure de sa vie sans se dire que Bonaparte, lieutenant obscur et sans fortune, s'était fait le maître du monde avec son épée. Cette idée le consolait de ses malheurs qu'il croyait grands et redoublait sa joie quand il en avait. Et voilà le jeune homme qui, portant un petit paquet sous le bras, entrait dans la magnifique église de Verrières. Il s'établit dans le banc qui avait la plus belle apparence, celui qui portait les armes de Monsieur de Rênal. Sur le prie-Dieu, il remarqua un morceau de papier imprimé. Détail de l'exécution et des derniers moments de Louis Jeanrel, exécuté à Besançon le... Le papier était déchiré. Au revers, on lisait les 2 premiers mots d'une ligne. C'était « Le premier pas ». Qui a pu mettre ce papier là? Pauvre malheureux. Son nom finit comme le mien. Et il froissa le papier. En sortant, il crut voir du sang près du bénitier. C'était de l'eau bénite qu'on avait répandue. Le reflet des rideaux rouges qui couvraient les fenêtres la faisait paraître du sang. Julien eut honte de sa terreur secrète. Serais-je un lâche? Aux armes. Il marcha rapidement vers la maison de Monsieur de Rênal. Malgré ses belles résolutions, dès qu'il l'aperçut, il fut saisi d'une invincible timidité. Julien n'était pas la seule personne dont le cœur fut troublé par son arrivée dans cette maison. L'extrême timidité de Madame de Rênal était déconcertée par l'idée de cet étranger qui, d'après ses fonctions, allait se trouver constamment entre elle et ses enfants. Elle se faisait l'image la plus désagréable d'un être grossier et mal peigné, chargé de gronder ses enfants uniquement parce qu'il savait le latin, un langage barbare pour lequel on fouetterait ses fils. Avec la vivacité et la grâce qui lui étaient naturelles quand elle était loin des regards des hommes, Madame de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur le jardin quand elle aperçut la figure d'un jeune paysan, presque encore enfant, extrêmement pâle et qui venait de pleurer. Que voulez-vous ici, mon enfant? Je viens pour être précepteur, madame. Madame de Rênal resta interdite. Ils étaient fort près l'un de l'autre à se regarder. Julien n'avait jamais vu un être aussi bien vêtu et surtout une femme avec un teint si éblouissant lui parler d'un air doux. Madame de Rênal regardait les grosses larmes qui s'étaient arrêtées sur les joues si pâles d'abord et maintenant si roses de ce jeune paysan. Quoi ? Monsieur, vous savez le latin ? Oui, madame. Vous ne gronderez pas trop ces pauvres enfants ? Moi, les gronder ? Et pourquoi ? N'est-ce pas, monsieur ? Vous serez bon pour eux, vous me le promettez. Entrons, monsieur. Mais est-il vrai, monsieur ? Vous savez le latin ? Oui, madame. Je sais le latin aussi bien que monsieur le curé. Et même, quelquefois, il a la bonté de dire mieux que lui. N'est-ce pas ? Les premiers jours, vous ne donnerez pas le fouet à mes enfants, même quand ils ne sauraient pas leur leçon. Ne craignez rien, madame. Je vous obéirai en tout. Quel âge avez-vous, monsieur ? Bientôt 19 ans. Mon fils est né à 11 ans. Ce sera presque un camarade pour vous. Vous lui parlerez raison. Une fois son père a voulu le battre, l'enfant a été malade pendant toute une semaine. Et cependant, c'était un bien petit coup. Quel est votre nom, monsieur ? On m'appelle Julien Sorel, madame. Je tremble en entrant pour la première fois de ma vie dans une maison étrangère. J'ai besoin de votre protection et que vous me pardonniez bien des choses les premiers jours. Je n'ai jamais été au collège. J'étais trop pauvre. Je n'ai jamais parlé à d'autres hommes que mon cousin, le chirurgien-major, membre de la Légion d'honneur, et monsieur le curé Chélan. Il vous rendra bon témoignage de moi. Mes frères m'ont toujours battu. Ne les croyez pas s'ils vous disent du mal de moi. Pardonnez mes fautes, madame. Je n'aurai jamais mauvaise intention. Julien se rassurait pendant ce long discours. Il examinait madame de Rênal. Tel est l'effet de la grâce parfaite. Quand elle est naturelle au caractère et que surtout la personne qu'elle décore ne songe pas à avoir de la grâce. Julien, qui se connaissait fort bien en beauté féminine, eût juré dans cet instant qu'elle n'avait que 20 ans. Il eut sur le champ l'idée hardie de lui baiser la main. Bientôt, il eut peur de son idée. Un instant après, il se dit « Il y aurait de la lâcheté à moi de ne pas exécuter une action qui peut m'être utile. » et diminuer le mépris que cette belle dame a probablement pour un pauvre ouvrier à peine arraché à la scie. Pendant ces débats intérieurs, madame de Rênal lui adressait 2 ou 3 mots d'instruction sur la façon de débuter avec les enfants. « Jamais, madame, je ne battrai vos enfants. Je le jure devant Dieu. » Et en disant ces mots, il osa prendre la main de madame de Rênal et la porter à ses lèvres. Elle fut étonnée de ce geste et par réflexion choquée. Comme il faisait très chaud, son bras était tout à fait nu sous son châle et le mouvement de Julien l'avait entièrement découvert. Au bout de quelques instants, elle se gronda elle-même. Il lui sembla qu'elle n'avait pas été assez rapidement indignée. Monsieur de Rênal, qui avait entendu parler, sortit de son cabinet. Il est essentiel que je vous parle avant que les enfants ne vous voient. Il fit entrer Julien dans un cabinet et retint sa femme qui voulait les laisser seuls. Monsieur le curé m'a dit que vous étiez un bon sujet. Tout le monde vous traitera ici avec honneur. Je veux que vous ne voyiez plus ni parents, ni amis. Leur ton ne peut convenir à mes enfants. Julien sut si bien faire que, moins d'un mois après son arrivée dans la maison, monsieur de Rênal lui-même le respectait. Le curé étant brouillé avec messieurs de Rênal et Valneau, personne ne put trahir l'ancienne passion de Julien pour Napoléon. Il n'en parlait qu'avec horreur. C'était « Le rouge et le noir », chronique de 1830, de Stendhal, feuilleton en 15 épisodes, adaptation Hélène Bleskin. Premier épisode, avec Simon Duprez, le narrateur, Damien Zanoli, Julien Sorel, François Kergourlet, Monsieur de Rênal, Vanda Bénèche, Madame de Rênal, Philippe Lodenbach, l'abbé Chélan, Charlie Nelson, le père Sorel, Daniel Krellenstein, le geôlier. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Emmanuel Armingue. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Michel Sidorov.